C'est du n'importe quoi. C'est de la colonisateur. Séparer les peuples, les douours. Chacun leur donne des stéréotypes. L'Africain, c'est un sauvage et un qui aime bien la musique. Le musulman, c'est un fanatique et terroriste. Et les Chinoises, des gens, ils sont mystérieux. Toi, comment? Et je reste un fier tout bas, je veux pas d'une vieille couga. Tu viens d'un texte tout naze. Je vois que ta fille adore les tripartants sur Pierre Woodman. Je veux vos amis tous au tapis qui m'imitent trop, les mythiques comme Chichi, Goku, Rosaki. Là je tape mon trip, c'est 200 grammes en D1. La sœur d'ombite est nachant qu'à flamper. T'as pas compris, c'est gratuit, je t'en mets. J'arrache son string, je vais pas dans la dentelle. Ouais, là c'est Sénamo, les bleus, genre les hématomes. Tu carré même dans l'hexagone, je vais face pas, non, je mets la gomme. Trop respo, l'homme est glow. Comme cette époque, on évolue plus le temps des Pokémon. Mate les sales bouffées, le twerk. Soit vulgaire, soit du bzès, quoi plus frais. Quand tu restes devant Cartoon Network, je vais tomber les feuilles même au printemps. Le temps que je kick la prod, demande à Richardson, ça n'a aucun sens. Ça fait yes, manif à l'équipe type. Mon récidive, faut que tu t'éclipses vite, ça n'a aucun sens. Et yo, petit taquin, fais pas le vif, éclate pire, c'est facile. Tu paries, je suis un maître à vif à 15. Ramène toute ta team, chaque couille de la frime. On leur fait bouffer le sol, partout à 10. Pire qu'une invasion de sale martien, ça n'a aucun sens. Qui se putain de trax malien. J'ai dit quoi, j'ai dit no sense zone. Il a dit no sense zone. Vos billards, folias, j'en fais de la tortilla. Fokia et Grosillard, ça n'a aucun sens. Une frappe de merde qui brasse de l'air. On parle que merde, donc passe le patch. Ça n'a aucun sens. C'est qu'on pense tout savoir, ils ont cru nous avoir, ils finissent tout savoir. Ça n'a aucun sens. Ils veulent qu'on évolue bien l'époque et révolue. Qu'on fasse que du volume, un chien. Ça n'a aucun sens. Peu importe ce que Colin pense, là. Catherine et les gobelins dansent. Ça n'a aucun sens. Je suis un vieux loup, la vieille blague d'un relou. J'ai fumé un jeu doux et j'ai même pas les yeux rouges. J'ai besoin d'air, ma bière me fait un clin d'œil. Je pleure, mon pète c'est mort et je suis en plein deuil. Juste peur de perdre le chemin. Check, y'a des gosses qui crèvent de faim. Ça a du sens. La coke, le crack, les ro, les macs, les go qui squattent les trottoirs, le das, les boblas. Nos places, notre place dans le move. Le regard de tous ces wacks sans couilles. Le souvenir de nos quatre sont plus sales. Au pop bar, les scraffs, les clochards. Nos frasques, nos comas, les graphes de coma. Nos fils d'actualité, le fils Johnny Hallyday. L'oubli de carte d'identité, c'est dénué de sang. Vos billards, folias, j'en fais de la tortilla. Fokia et Grosillard, ça n'a aucun sens. Une frappe de merde qui brasse de l'air. On parle que merde, donc passe le patch. Ça n'a aucun sens. C'est qu'on pense tout savoir, ils ont cru nous avoir, ils finissent tout savoir. Ça n'a aucun sens. Ils veulent qu'on évolue bien l'époque et révolue. Qu'on fasse que du volume, un chien. Jouer gratos pour que tu t'en mettes plein les poches. Ouais, sec, ouais. Qu'on nous dise qu'on influence, qu'on est le frein des gauches. Je vais faire trembler toute ta moelle osseuse et c'est cadeau. Ah bon, c'est cadeau? Qu'est-ce tu crois, gros? Je vais serrer des top modèles avec un style mormon. Ici, Willy, quand je blesse avec des rimes profondes, je vois des chauves-souris en plein jour. Viens ici, fit tout gris, ça rend bien fou. Mais mec, t'es pas dedans comme mes pas de danse. Tu peux chercher sur Rap Genius, t'y verras pas de sens. Elle fait le pap tout os. Je joue au Camoulos. J'ai pas mal loge chez les francs-maçons pétasse. Mais sur mon CV j'ai une formation Jedi. On est vif, on fait trop d'ombre, qui c'est mort. Un indice, on ride en faucon millénaire. J'ai dit quoi, j'ai dit no sense zone. Il a dit quoi, no sense zone. Vos billards, folias, j'en fais de la tortilla. Fokia et Grosillard, ça n'a aucun sens. Une frappe de merde qui brasse de l'air. On parle que merde, donc passe le patch. Ça n'a aucun sens. C'est qu'on pense tout savoir, ils ont cru nous avoir, ils finissent. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais tout ça n'a vraiment aucun sens. Aucun